Entre Cessin et Cessinet, l'ambiance sonore affirme sa mixité, mélangeant des éléments de vie locale, voix d'enfants, bruit d'activité, et les événements de la circulation, ponctuels ou regroupés en séries brèves.